17e chapitre. Mercœur et la fontenelle. On était dans les premiers jours de l'année 1598. La paix régnait enfin en Bretagne. Mais la peste qui avait éclaté l'année précédente était alors dans toute sa force. Dans son début, elle n'avait guère attaqué que les classes pauvres. Plus tard, elle étendit ses ravages sans exception et décima une partie de la riche bourgeoisie et de la noblesse. Quant à la famine, elle ne se faisait plus sentir que dans certains endroits de la Cornouaille, ravagée par les hommes de guerre. Mercœur, bien que découragé par les victoires du roi, était encore à Nantes où il continuait de régner en maître. Cependant, il ne se faisait plus illusion. Il comprenait parfaitement qu'il n'avait que bien peu de temps à demeurer dans son gouvernement de Bretagne, où le Béarnais ne tarderait pas à se montrer à la tête de forces imposantes. Malgré ses pertes successives, le duc possédait encore Dinan et y faisait exercer la justice par quelques-uns des déserteurs du présidial de Rennes qui s'étaient réfugiés dans cette ville. Dinan ne demeura pas longtemps en sa possession. Ayant été attaqué par les royaux, cette place leur ouvrit ses portes parce qu'elle était fatiguée de la domination de Mercœur et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de payer les impôts qu'à chaque instant ce prince exigeait d'elle. Le baron de Molac, qui, dans cette attaque, avait puissamment secondé la cause royale, fut nommé gouverneur de Dinan. Bientôt Mercœur, voyant toutes ses meilleures places enlevées par l'ennemi, sans qu'il conservât l'espoir de les reprendre, partit secrètement de Nantes avec une petite escorte, se dirigeant sur Quimperlé, où s'étaient réunis les débris de la Ligue. À peine fut-il arrivé dans cette ville qu'il écrivit à la Fontenelle pour l'informer de sa venue dans la Cornouaille et l'engager à venir conférer avec lui sur les intérêts de la Sainte-Union. La Fontenelle, en songeant à l'arrivée prochaine du roi, n'entrevoyait guère de pardon possible pour lui. Ce peu de confiance en la clémence royale faisait qu'il s'applaudissait d'avoir repoussé les propositions de son frère ainsi que le pourparler de Lavardin. Il avait juré d'être le dernier ligueur à mettre bas les armes en Bretagne. Et maintenant, avec une âme aussi ardente et aussi féroce que la sienne, il souffrait de l'oisiveté dans laquelle il vivait depuis le départ de Sourdéac, car il ne trouvait plus d'ennemis à combattre. Lorsqu'à la tête de ses soldats, il se présentait devant quelques châteaux ou quelques villages pour les piller, il n'y rencontrait plus d'habitants. Ainsi donc, dans presque toutes ses sorties, c'était inutilement que son œil avide cherchait encore quelques proies à saisir. Partout, il ne découvrait que des ruines sous les débris desquelles il ne restait plus que les cadavres des malheureux qu'il avait égorgés. Bien souvent aussi, un triste et cruel souvenir traversait son esprit. Il se rappelait ses échecs devant Quimper. Alors son visage s'empourprait de sang et l'on voyait s'allumer dans ses yeux une terrible flamme, car il se sentait à la fois frémir de honte et de rage. Dans ces moments, une seule chose était capable de le calmer. C'est quand il se berçait de l'espoir de reprendre sa revanche sur cette ville en l'emportant d'assaut ou en venant mourir au pied de ses murailles. Que lui faisait la mort lorsqu'avec l'extinction de la Ligue, il entrevoyait le terme de sa puissance et l'anéantissement de ses idées ambitieuses? Une autre fois, il sentait un frisson lui glacer les veines lorsqu'il réfléchissait à la mort ignominieuse qui lui était réservée s'il était pris les armes à la main. Alors, en proie à une effrayante hallucination, il lui semblait voir surgir tout à coup devant lui l'ignoble roue où chaque jour viennent se tordre dans d'atroces souffrances les plus vulgaires scélérats. Puis sa pensée se reportait sur sa famille, sur ses aïeux si nobles et si purs, et sur son frère, le loyal gentilhomme. On le voyait ensuite errer triste et soucieux sur les rives sauvages de l'île Tristan, regardant à l'horizon s'il ne verrait point paraître quelques navires anglais sur lesquels il pourrait courir, ou bien s'il n'apercevrait pas venir quelques nouvelles flottes de Sourdéac. Lorsqu'il croyait ne pas s'être trompé dans ses rêves, il souriait, il se sentait heureux, car il allait enfin voir finir ce repos et cette inaction qui le tuait. Il allait donc encore se battre, entendre le bruit des canons, des arquebusades, et voir couler le sang. Mais son exaltation disparaissait bientôt quand ses vaisseaux, en s'avançant dans la baie, ne montraient à ses yeux attristés que les voiles blanches de simples bateaux de pêcheurs. Cette illusion, une fois dissipée, le désespoir le reprenait, et, comme un véritable insensé, il prenait sa course et s'élançait sur les rochers, en murmurant les noms de Beaumanoir, de Mésarnoux et de Quimper. Après ces moments de fièvre et de délire, il rentrait dans son fort le front chargé de nuages, et là, il montait dans sa chambre où quelquefois il restait renfermé des heures entières. Enfin, chaque jour, la fontenelle se sentait succomber sous le poids de l'ennui. « Que me veut le duc ?» se dit-il plein d'agitation, après avoir pris connaissance de la lettre de Mercœur. « Voudrait-il se liguer avec moi pour essayer de résister au Béarnais quand il viendra soumettre ce pays ? Oh, si c'est là son projet, je suis prête à me joindre à lui. Qu'il vienne donc avec toutes ses forces chercher un asile dans cette île. » Et il verra comment un Beaumanoir sait se défendre et comment il sait mourir. » Un moment, il craignit que Mercœur ne l'attirât à lui que dans le but de se saisir de sa personne et de le livrer au Parlement de Rennes pour faire sa cour au roi et mériter mieux son pardon. Mais il repoussa ce soupçon, croyant le duc incapable de prendre, pour le trahir, le masque de l'amitié. Quelques jours après ceci, 300 soldats de l'île Tristan campaient près des bords enchanteurs de l'isole et la fontenelle entrait dans Quimperlé. Cette ville, maintenant dépourvue de murailles, était alors fortifiée comme presque toutes les plus petites places du royaume. Mercœur s'était logé dans la maison du gouverneur, située sur la principale place de Quimperlé. Il était environ 2 heures de l'après-midi quand la fontenelle, accompagnée d'une nombreuse escorte, se présenta chez le duc, auprès duquel il fut sur le champ introduit. Le froid était extrêmement vif ce jour-là, et la neige tombait à gros flocons. Dans une vaste salle du rez-de-chaussée, près d'une antique cheminée ornée de bas-reliefs, où brillait un feu clair et pétillant, était assis le chef de la Sainte Union. À ses côtés se tenaient 2 hommes qui paraissaient converser familièrement avec lui. Le premier, qui portait le costume militaire de l'époque, était Saint-Laurent, son principal lieutenant. Le second n'était autre que le Florentin Tournabon, son favori et en même temps son conseiller. À peine le nom de la fontenelle fut-il prononcé par les gardes de service que les 3 personnages dont nous venons de parler se levèrent et que Mercœur s'empressa d'aller au-devant du capitaine Ligueur. « Que désire votre Altesse et que puis-je faire pour elle ?» s'écria Guéder, après s'être incliné profondément et avoir jeté un regard perçant sur Saint-Laurent et Tournabon, comme s'il eût voulu par là leur faire comprendre qu'ils eussent à se retirer à l'instant même. Mais ceux-ci, quoique paraissant émus et troublés, ne bougèrent pas de leur place. Ils se contentèrent de présenter un fauteuil à la fontenelle, lequel, sans remarquer cette prévenance, continuait à demeurer debout. Depuis que nous avons fait apparaître Mercœur sur cette scène, ce prince avait éprouvé bien des revers et, on peut le dire, il avait payé cher ses premiers succès. Un vif chagrin s'était emparé de lui, car il avait senti que l'année 1598 serait le tombeau de la Ligue et que d'autres efforts pour relever ce parti seraient inutiles. Aussi, les traits de son visage, autrefois si fier et si beau, avait-il maintenant une expression de tristesse et de découragement qui faisait peine à voir? Il gémissait en songeant qu'il allait être forcé de renoncer à son gouvernement de Bretagne, et il cherchait vainement un moyen d'empêcher que cette province ne lui échappât. « Asseyez-vous donc, capitaine, je vous prie, » dit-il à la fontenelle en lui offrant lui-même un siège, « et veuillez bien m'accorder quelques instants, car j'ai besoin de causer avec vous. » La fontenelle s'empressa d'obéir, mais en s'asseyant, il lança aux 2 officiers du duc un de ces regards qui semblait demander au prince si ceux-ci allaient être témoins de leur conversation. Mercœur s'aperçut bientôt du mécontentement de Guéder. « Monsieur de la fontenelle, s'écria-t-il, ce que j'ai à vous dire ne doit pas être un secret pour Tournabon, mon ami et mon conseiller. Et je n'ai rien à cacher à Saint-Laurent, mon premier lieutenant. » Il m'a rendu trop de services pour cela. Cependant, si vous exigez qu'il se retire, vous n'avez qu'à parler. Seigneur duc, reprit la Fontenelle en s'inclinant, après les paroles que vient de prononcer votre Altesse, c'est un honneur pour moi de me trouver dans la compagnie de messieurs Saint-Laurent et Tournabon. Maintenant, me voici prêt à vous écouter.